Audiomatic. C'est la formation française Trisomie 21 qui débutait cette transmission 273 d'Audiomatic avec sa chanson Red or Green, remixée par Jack de Marseille, le pseudonyme du DJ et producteur marseillais Jacques Garota. La version que l'on entendait est parue sur l'album The Man is a Mix et la version originale, quant à elle, est disponible sur l'album Happy Mystery Child de Trisomie 21, lancé en 2004. Les sonoristes apprécient particulièrement les artistes qui repoussent les limites des styles musicaux, qui flouent les frontières entre les genres et qui s'inspirent de différents courants sonores dans leur démarche artistique. Et c'est pourquoi ils apprécient, entre autres, la musique de Jamie Branch. We'll be right back. vacation. You dig, you dig. We got a bunch of wild-eyed racists. We creeping over a whole bunch of wild-eyed. Well, you know we're digging. They're coming for you, Wallace, while they're digging in your paychecks. We got a bunch of wild-eyed racists. You know why? Why? Because why? They. And they think they run this show. I know why. Thank you. séquence composée d'une seule longue pièce, soit Prayer for America Part 1 and 2, interprétée par la trompettiste américaine Jamie Branch et son orchestre dans le cadre de son deuxième album intitulé Fly or Die 2, Bird Dogs of Paradise, album paru en 2019. À Audiomatic, les sonoristes se permettent maintenant de vous offrir la musique du groupe californien Tool. See, I think drugs have done some good things for us. I really do. And if you don't believe drugs have done good things for us, do me a favor. Go home tonight, take all your albums, all your tapes, and all your CDs and burn them. Because you know what? The musicians who made all that great music that's enhanced your lives throughout the years, real fucking high on drugs. Thank you. We'll be right back. Nous entendions à Audiomatic la pièce Third Eye du groupe américain Tool, qui contient entre autres des échantillonnages de l'humoriste américain Feu Bill Hicks. Third Eye est paru sur le deuxième album de Tool intitulé Enema, qui est sorti en 1996. Audiomatic se poursuit maintenant avec une pièce du projet Scanner dans une version réinterprétée par la formation The Black Dog. Thank you. all the many corpses begin to speak. What ignorance is cannot be argued over anymore. It is too late for pleading. White picket dreams put you off the scent. The world is screaming, rooted in a trivial concern, in insecurities, in the need to make face and keep up and drown out the many voices within. Imagine a culture that has at its root a more soulful connection to land and to lovers. But I can hear the lie before you speak. There is nothing but progress to eat, and we are so fat and so hungry, and the black wrists are cuffed in the pig van, while the white shirt and tie in the tube car, distraction and pizza. Pictures of beer and guilt about urges, sexual distrust and abandon to nothingness. Give me something I can nail myself to. Give me a savagely dressed talking head who has something about them I trust and despise, and what of it anyway? These windows don't open, they were designed to stay closed. Shower, smoothie, coffee, commute, check the internet, never stop, never stop. There is a scar on the soul of the world, and it needs you to look. The blood of the past is here, it remains. The blood of the murders, the bodies like sacks leaking grain or stacked chest or back on the plains, it remains. To acknowledge without guilt, to accept without condition, and to listen when other people tell you how you have behaved. Truth is, for us to feel and be moved, but I hear the clatter of bone against steel. It is coming, it will not be stilled, it is there. In the air, scorched white, the reflection of sunlight on glass, bouncing back into sunlight on glass, bouncing back. Industrialized, denial, business as usual. So roll your eyes, shake your head, turn away and call me names. I'm okay with that. Too proud. Unable to listen, we keep speaking. Motored by blood, unable to notice ourselves, unable to stop, and unwilling to learn. Audiomatique, la formation électro-jazz de Comet Is Coming concluait cette séquence de deux pièces. en nous offrant Blood of the Past, sur laquelle la chanteuse et poète Kate Tempest a ajouté sa prose. Cette composition est tirée de l'album Trust in the Life Force of the Deep Mystery, paru au début 2019. Sachez que The Comet is Coming vient de sortir son nouvel album en CD et en numérique, alors que la version vinyle sort officiellement ce vendredi. Avant cela, c'était la formation The Black Dog qui nous offrait un remix de la pièce Eros, originalement composée par le projet Scanner. Cette version alternative de la pièce Eros, intitulée Bitten by the Black Dog, se retrouve sur la compilation Unboxed Brain de l'étiquette de disque Detuned, étiquette sur laquelle on retrouve également des pièces, en fait compilation sur laquelle on retrouve également des pièces des formations B12 et The Future Sound of London. Nous viendrons conclure la transmission 273 d'Audiomatique avec la musique du groupe Psychic TV, menée par Genesis P. Orridge, membre fondateur du groupe Throbbing Gristle. Nous vous présenterons la composition Terminate Over the Brink Mix, que l'on peut retrouver sur l'album compilation Origin of the Species Volume 2, A Second Supply of Two Tablets of Acid, qui couvre la période de 1988 à 1994 de Psychic TV, qui, rappelons-le, a été fondée en 1981 après la dissolution de Throbbing Gristle. Nous voici donc dans les dernières minutes de cette transmission d'Audiomatique. Mais si vous êtes du genre à compter les minutes, sachez que vous pouvez accéder aux 15 000 minutes cumulées des anciennes transmissions d'Audiomatique en vous rendant sur nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-cfou, ce qui vous permettra de passer les minutes en découvrant et en écoutant nos choix musicaux passés. Quant à la transmission 274, elle sera diffusée en direct sur les ondes de CFOU 89 FM dans environ 10 200 minutes, c'est-à-dire mercredi prochain dès 17h. Mais d'ici là, voici Psychic TV et la pièce Terminate Over the Brink Mix. C'était Audiomatique avec les sonoristes. injury. I want no more such injuries. Injuries. I know I was that soldier.